Cristo. Je disais, je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Niko na lamkia kila mmoja wenu mu jina Yesu Kristo. Comme je l'avais promis au courant de la semaine. Vile niliahidi kadiri ya juma. Si cela est la volonté du Seigneur. Kama ikikuwa mapenzi ya Mungu. Je termine aujourd'hui pour prendre un repos. Niko na maliza leo juu ya kupata kupumzika. Est-ce que vous suivez la voix du frère? Eti muko nafuata sauti ya nduku. Tu parles un peu haute voix. Régler sa voix. Muongeze ko sauti kule. On attend un peu parce qu'il y a un élément que les techniciens sont en train de tunachunga kiloko d'arranger. Ça va? Si la chorale peut nous entendre encore un cantique. Kama kwae naweza kutongoza kona mwimbo moya. Le son est prêt. Vous allez lancer à partir. glorifié. Bwana apate kutukuzwa. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tushimame juu ya kusoma neno ya Mungu. Nous lisons dans 1 Pierre. Tuko nasoma mu Petro wa kwanza. 1 Pierre au chapitre 4. Petro wa kwanza sura yake ya 4. Nous lirons son verset 7. Tutasoma mstari yake ya 7. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Toi tu es le premier et le dernier. Wenjo wa kwanza tena wa mwisho. Tu es l'unique, le Dieu vivant. Uko peke Mungu aliye hai. Et tu es le seul, le Dieu tout-puissant. Na we peke njo Mungu mwenyezi. Toi seul, tu es le créateur des choses visibles et invisibles. We peke njo mumbaji wa vitu vya kuonekana na visivyoonekana. Le ciel et la terre. Mbingu na dunia. Et entièrement rempli de l'œuvre de tes mains. Nyenye kujaa kabisa kabisa na kazi ya mikono yako. Seigneur, si nous pouvons compter tes merveilles. Bwana kama tunapenda kuhesabu mabwema wako. Nous n'aurons pas de termes. Hatutakuwa na misemo. Parmi toutes les langues des hommes. Kati ya makabila yote ya bantu. D'exprimer ta grandeur. Ya kuonekanisha ukubwa wako. Et de compter ce que toi tu as fait. Na kuhesabia vile wewe ushakufanya. Tu es extrêmement et éternellement grand. Uko kabisa kabisa mkubwa. Nous ne pouvons pas te comprendre nous en tant qu'homme. Hatuwezi kukuelewa sisi bantu. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Tu as pris du travail. Ulibeba kazi. Tu t'es conçu un corps humain. Ulitungia mwili ya bumuntu. Tu es descendu vers nous. Ulishuka kwetu. Tu as porté un corps semblable au nôtre. Ulivaa mwili ya kufanana na yetu. Pour nous révéler une partie de ta divinité. Juu ya kutufunulia kipande kya bumungu wako. Pour que nous puissions comprendre tes voies. Juu tupate kuelewa manjia yako. Et que toi seul tu puisses nous aider à y marcher. Na wewe peke upate utusaidia juu tupate kutembelea. Dieu tout puissant, merci. Bwana asante. Merci pour l'œuvre du calvaire. Asante Dieu kazi ya msalaba. Merci pour ce sang qui a été versé au bois du calvaire. Asante Dieu le damu ilimwangia kumuti ya msalaba. Merci pour ces âmes que tu as appelées à toi. Asante Dieu manafsi ulita kwako. Merci pour les dons merveilleux que tu as donné à l'église. Asante Dieu zawadi ulileta kanisa. Afin de conduire ton peuple. Dieu pate kuongoza taifa yako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Ce matin, nous te prions. Asubuhi leo tuko na kuomba. Sois avec chacun de nous. Ukuye na mmoja kila mmoja wetu. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tunyanywe pale pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Bénis la portion de la parole qui sera lue. Bariki isemo ya neno itasomewa. Et conduis-nous, Seigneur. Na utuongoze Bwana. Merci, ô Père. Asante Baba. À ceux qui sont malades. Wabenye kwa bagonjwa. Toi seul, tu es notre médecin. We peke njo munganga wetu. À ceux qui ont des problèmes. Benye kwa na mambo. C'est toi qui as la solution. We njo kona jibu. Seigneur, merci. Bwana asante. Sois avec nous selon ta promesse. Pamoja nasi ni kufuata malako yako. Du début à la fin. Kumwanzo na kumwisho. Au nom de Jésus-Christ. Mungu ni Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Premier Pierre au chapitre 4. Petro wa kwanza sura yake ya 4. Dans son verset 7. Mustari yake ya 7. Je ne serai pas long aujourd'hui. Sita kawia apana leo. Nous lisons ceci. Tuko nasoma hivi. La fin de toute chose est proche. Mwisho ya kila kintu inakaribia. Soyez donc sage et sobre. Mwe basi na hekima na mwenye kwa na kiasi. Pour vaquer à la prière. Juu ya kuenda kwa maombi. Le verset 8 dit. Mstari wa 8 nasema. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Mbele ya yote mupate kuya bamoya na bengine na mapendo. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Jumapendo inafinikaka mbwingi wa nzambi. Verset 9. Kenda mstari. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Mupate kupokeleana bamoya na bengine bila kunungunika. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusomi ya neno yake. La fin de toutes choses est proche. Mwisho ya kila kintu inakaribia. Soyez donc sage et sobre. Mwe basi na hekima tena mkuwe na kiasi. Pour vaquer à la prière. Juu ya kukimbilia kumaombi. Nous vivons les derniers moments. Tuko naishi wakati ya mwisho. De l'église du Seigneur sur cette terre. Ya kanisa ya Bwana hapa pa dunia. Et pendant cette période dans laquelle nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ pour nous chercher, na mwi wakati tuko nachunga kurudia kwa Yesu Kristo juu ya kutafuta, la sagesse, hekima, la sobriété, kiasi, et la prière, na maombi, sont d'une grande importance pour chaque véritable chrétien. Biko bya mafaa sana kwa kila Mkristo wa bya kweli. Qui attend l'enlèvement. Ule eko na chunga kunyakuliwa. Nous sommes dans une période. Tuko mu wakati. Où beaucoup de prophéties. Mule maunabia mingi. Qui touchait les temps de la fin se sont déjà accomplis. Ile ilianza kusemea wakati ya mwisho ilishakutimilika. Et d'autres sont en train de s'accomplir. Na ingine iko naenda mkutimilika. Vivant un temps prophétique, benye kuishi mwakati ya unabii, nous devons beaucoup veiller. Tunapasha kukesha kabisa. Veiller sur notre vie, kukesha yulu ya maisha yetu. Veiller sur ce qui se passe dans notre âme, kukesha yulu ya bile biko napitikana ndani ya nafsi yetu. Veiller sur ce qui se passe dans notre esprit, kukesha mubile biko napitikana mumaro yetu. Et veiller même dans ce qui se passe dans notre corps, na kukesha mubile biko nafanika mumili yetu. Si il y a un temps, kama kuko ako wakati où l'église devait être en prière, mule kanisa ilipasha kuya katikati ya maombi, c'est maintenant. Ni hapa sasa. C'est ce que nous avons vu avec Daniel. Njo kile tuliona na Daniel. Lorsqu'il avait vu, wakati aliona, non pas dans une vision, aikukue muono, non pas dans un songe, aikukue mundoto, mais il a vu par les écritures, lakini aliona kupitia mnyanjiko, il a vu par la prophétie que Jérémie avait déjà annoncée, aliona kupitia unabii ile Yeremia alikuya alishakutangazaka, il a compris par les saintes écritures, arielewa kupitia miandiko, que ce que Jérémie avait prophétisé, kusema kile Yeremia alitabiriaka, va bientôt se réaliser, kinapasha pa sasa kutimilika. Daniel n'était plus distrait. Daniele asikulengamaka. Il a recouru à la prière. alikimbilia kumaombi. Il voulait apprêter son cœur. Alipendaka kutayarisha roho yake. Il voulait apprêter le cœur de ses frères. Alipenda kutayarisha mioyo ya banduku yake. Pour le retour dans son pays. Juu ya kurudia mwinchi yabo. Parce que le temps est là, était là. Juu wakati ilikwisha kufika. Et qu'il n'y avait plus, et qu'il n'avait plus de temps à passer à Babylone. Na kukwete na wakati ya kupitisha mu Babylone. Nous sommes exactement dans les mêmes conditions. Tuko kabisa kabisa mu ali moya, sawa ile ya Daniel. Nous sommes dans une période tuko mu wakati où le véritable chrétien qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, mule ambao mu Kristo wa byakweli mwenye kuchunga kurudia kwa Yesu Kristo, ne doivent plus se lancer dans les discussions vaines. Asiweze kujitoa mu mabishano ya bule, de discussions stériles, mabishano yasipokuwa na maana, mais que chacun de nous veille. Lakini kila mmoja wetu apate kukesha. Que chacun de nous vive la vie d'un bon chrétien. Kila mmoja wetu aishi maisha ya Mkristo abya kweli. Une vie qui est agréable au Seigneur, maisha yenye kumupendeza Bwana, et une vie qui lui permettra na ina maisha itamusukuma de participer à l'enlèvement, apate kushiriki mkunyakuliwa. Ça fait 8 mois inafanya miezi munane que je suis à la chair yenye niko kumimbali. Par la grâce du Seigneur, nous avons parlé de beaucoup de choses. Kupitia neema ya Bwana tulisemea kwa vitu vya mingi. Comme la parole est éternelle, vile neno hiyo ni ya milele, on ne peut pas tout terminer. Hatukuweza kumaliza byote. D'autres choses qui sont restées, bingine bile bilibakia, si Dieu nous donne encore le temps de retourner à la chair, kama Mungu anatukabudia tena wakati ya kurudia kumimbali, et si cela est sa volonté, nous en parlerons. Na kama ile ni mapenzi yake tutasemeaka. Mais je me suis quand même réjoui. Lakini nilifurahi hata vile. Ça fait une semaine qu'on attendait les questions-réponses. Kuna kwa kadiri ya juma mzima tulikuwa tunachunga maulizo na majibu. On a reçu aucune question. Atupate hata ulizo moya. Et nous avons compris que tout le monde a bien compris. Na tuliona kusema batu bote barishikia. Et aujourd'hui, je voulais mettre une virgule. Na leo niko napenda kuweka kwa mkato. À l'enseignement qui était en train d'être donné. Kumafundisho ile ilianza kuletewa. Mais je voulais terminer la parole prophétique. Lakini nilipenda kumaliza neno ya unabii avec l'accomplissement pamoja na kutimilika d'une prophétie de notre prophète William Marion Branham, ya unabii ya nabii wetu William Marion Branham, une prophétie unabii qu'il avait faite depuis l'an 33. Unabii ile alifanyaka tangia mu mwaka wa 33. Depuis 1933. Tangia mu 1933. Frère Branham avait vu cette vision de la part du Seigneur. Ndugu Branham aliona kama ono saba ya kutokea kwa Bwana. J'en ai parlé dans l'âge de la Odyssée. Nilisemaka mukizazi ya Laodikia. Et parmi ces 7 visions, il y a eu d'autres qui se sont déjà accomplies. Na kati ya ile maono saba kuko ingine isha kutimilika. Mais il y en a 2 qu'on attendait. Lakini kulibakia mbili ile tulianza kuchunga. dont l'une s'est accomplie cette année. Ile ambao moya ilitimilika hii mwaka. Le 20 janvier 2021. Le 20 janvier 2021. Pour vous dire que nous n'avons plus de temps. Dieu a commencé à kusema atuna tena na wakati. Quand cette prophétie s'accomplissait, wakati ile unabii ilitimilika, il n'y a aucun homme parmi nous ici qui a senti une onction particulière, qui a une prophétie qui s'accomplissait. Hakuna hata mtu mmoja katikati yetu ambaye alisikia upako wa kipekee kusema unabii fulani inatimilika. Elle s'est accomplie dans la simplicité. Ilitimilika katika unyenyekevu. Il n'y a que des lecteurs du message qui ont vu que une prophétie s'est accomplie. Ni mpaka bale banasomaka mujumbe bale baliona kusema unabii fulani inatimilika. Les anges ne sont pas descendus dans le ciel. Ba malaika ba kushuka toka mbingu. La terre n'a pas tremblé. Dunia haikutetemeka. Le soleil n'a pas changé de couleur. Jua haikubadilisha rangi yayo. Pour annoncer que la sixième prophétie du messager du septième âge de l'Église vient de s'accomplir. Dieu ipate kutangaza kusema onyo ya mwisho ya nabii wa mwisho inatimilika. Onyo ya sita ya nabii Branham inatimilika. Mais dans toute humilité, lakini katikati ya unyenyekevu, dans la simplicité, katikati ya unyenyekevu, chacun vaquait à ses occupations. Kila mtu alikuwa anaenda makazi yake. Chacun s'occupait à ses projets. Kila mtu alianza kuhangaikia mapu yake. Ce jour-là, quand la prophétie s'accomplissait, les autres n'étaient même pas à l'église, les autres étaient au champ, les autres chez eux à la maison, les autres dans le commerce. Ile siku nabii ilitimilika, bengine bakukua hata mkanisa, balikuwa bengine kwa mashamba, bengine kwa biashara yabo. Et pourtant la parole s'accomplissait. Japo neno ilianza kutimilika. Il en sera de même avec l'enlèvement. Bitakuwa hivyo hivyo na kunyakuliwa. Ceux qui ne sont pas connectés à ce que l'esprit fait dans cet âge ici, benya bana benye kuungwa kwa kile roho iko nafanya mwiki zazi, et ceux qui ne lisent pas le message du temps de la fin dans lequel Dieu a éclairé toutes choses. Na bala basomake mujumbe ya wakati ya mwisho mule ambao Mungu alifunulia vitu vyote, seront surpris. Bata shitukaka. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Je disais ceci. Il anza kusema hivi. Je ne pouvais pas terminer la parole prophétique. Sitaweza kumaliza neno ya kinabii. Sans annoncer l'accomplissement de l'une des prophéties que William Marion Branham, le septième messager, le dernier de tous les prophètes du côté des nations, a annoncé. Siwezi kumaliza kusemea juu ya unabii bila kusemea ile ono ya nabii wa mwisho aliletaka. Quelle est cette prophétie? Ni unabii kani ile. Cette prophétie se trouve dans l'enseignement qu'on suivait. Ile ono inapatikana mafundisho ile tulianza kufuata. Dans les 70 semaines de Daniel, mumajuma makumi saba ya Daniel, dans sa partie, la 70e semaine de Daniel, la troisième partie, la 70e semaine de Daniel, mu kipande kyake kya juma ile ya mwisho ya majuma makumi saba ya Daniel. Si vous avez ce livre condensé dans lequel il y a les trois parties de la de 70 semaines de Daniel. Kama mko na kitabu kenye kuungwa bila vipande vya majuma makumi saba ya Daniel. C'est à la page 130. Ni mu nukta yake 130. Dans son paragraphe 207. Paragraphe yake 207. Dans son paragraphe 206. Mon paragraphe yake 206. Frère Branham annonçait ceci. Nduku Branham alianza kutangaza hivi. La prédiction a été faite 30 ans avant que ça n'arrive. Kutangulia kusema hii mambo kulisemewaka mbele miaka 30 ipate kufika. Bon là, bon, mzuri là, pale. Ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Diko na tupeleka wakati ya uchaguzi ya Rais Kennedy. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, pamoja na ile gari ili patikanaka, c'est cette voiture ni ile gari que Frère Branham avait vu dans la vision, ile ndugu Branham alionaka muono, qui était en forme de l'œuf, ile ilikuwa mumufano ya riai, et qui n'avait pas de conducteur, na haikukuwa na wakuiongoza, mais on pouvait la téléguider. Lakini balipasha ta kuiongoza kwa mbali. Ça fait 5 choses sur 7 qui se sont produites exactement. Ni bitu tano mubisaba ambao bilitimilika kabisa kabisa. Parmi les 7 visions, muile maono saba que Dieu avait montré à Frère Branham en l'an 33, il est Mungu alimuoneshaka ndugu Branham mwaka 33, du vivant de Frère Branham, mubujima wa ndugu Branham, il y a eu 5 qui se sont accomplis. Mulikuyaka tano ile ritimilikaka. Il restait 2. Kulianza kubakilia tu mbili. Maintenant, l'une, lakini moya, parmi les 2 restantes, mwile mbili ilibakia, s'est accompli dans cette année, mercredi, le 20 juin 2021. Moya ilitimilika mwi mwaka mercredi. Mercredi. Mercredi. Le 20 juin. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier. 2021. Le 20 janvier. 2021. Le mercredi. Mercredi. 20 janvier. 20 janvier. 2021. 2021. Ça fait 5 choses sur les 7. Ni bitu tano mubile saba qui se sont produites exactement. Bile bilifanika paka vile. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. Sasa mina tangulia kusema hii. Je dis, mina sema, j'ai vu une grande femme s'élever. Niliona mwanamke mkubwa analamuka. Ravissante, mwenye kuya murembo, vêtue d'une façon très royale, mwenye kuvaa mnamna ya kifalme, avec du violet, na maviolet. Et là j'avais mis une petite parenthèse, na pale niliweka ako mkato kadogo, Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, si les techniciens peuvent déjà apprêter les éléments que je vous ai donnés. Alikuwa na mamlaka mingi kule ku Amerika. Peut-être l'église catholique. Sa zingine ni kanisa katoliki. Une femme. Mwanamuke. Quelqu'un. Mwanamuke moya. Une femme. Mwanamuke. Je ne sais pas. Siyue. Si ce serait l'église catholique, je ne sais pas. Sijue kama itakuwa ni kanisa katolika, mimi siyue. Je ne pourrais pas dire. Siwezi kusema. Tout ce que j'ai vu. Vyote vile ambao niliona. J'ai vu cette femme, c'est tout. Mimi niliona ule mwanamke tu kunaisha. Mais ce qui nous intéresse ici, lakini kenye kutuangalia hapa, et qui est la chose la plus importante dans ce que Frère Branham annonce, na kenye kwa kiakabaila mobile ndugu Branham yuko natangaza, il a vu une grande femme, aliona mwanamke mkubwa, ravissante et vêtue d'une façon très royale, murembo mwenye kuvaa muali ya kifalme, avec du violet. Na ma violet. Vous voyez. Munaon. Le mercredi. Il est siku ya tatu. Le 20 janvier. Le 20 mwezi wa kwanza. 2021, nous avons assisté à la prestation du serment. Turiona moku ku prêter quoi serment d'une femme aux États-Unis. Ya mwanamke kule ku Amerika qui a prêté serment comme une vice-présidente. Ule aliprete serma sawa wa kumfuatia president. Et son nom c'est Kamala. Na njina yake ni Kamala. Kamala. Kamala. Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. On a vu cette femme que vous voyez sur l'écran. Munaona ule mwanamke kule ku ekran. En train de prêter serment. Alikuwa anafanya kiapo. Qui est la vice-présidente? Mwenye kuya rais wa kumfuatia ule mwenye alipita. Habillé en violet. Mwenye kuvaa violet. La couleur violet est une couleur royale. Ile rangi ya violet ni rangi ya kifalme. Dans le message, maintenant avec beaucoup de précision. Mumujumbe sasa na kusema vitu mnamna ya mzuri. Dès ce moment dans la prédication de ce moment, mumahubiri de ce moment. Du 16 juillet 1960. Il y a le 16 juillet 1960. Dans son paragraphe, tu gardes la photo. Chunga ko ile photo. Vous gardez l'élément sur l'écran. Mpate ko chunga ile mambo pale pa écran. Dans son paragraphe 92. Paragraphe ya ke 92. Frère Branham dit. Ndugu Branham kuna sem. Ainsi ceci. Ivi ni ivi. Je n'aurai pas le temps de vous les raconter dans cette réunion. Sitakuwa na wakati ya kumifasiria muhimu mkusaniko. En 1933. Mu 1933. Ça, C'est un pays de la femme. L'Amérique est un pays de la femme. I America ni inchi ya mwanamke. Son nombre est 13. Hesabu yayo ni 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. Anapatikana musura ya 13 ya Ufunuo. 13 étoiles, c'est-à-dire sur son drapeau. Nyota 13. 13 rayures. Ma mistari 13. Voyez 13. 13. Tout est 13. Biote ni paka 13. Tout c'est la femme. Biote ni mwanamuke. Suivez maintenant très bien. Mufate sasa mzuri. Et souvenez-vous. Na mupate kukumbuka. Ainsi dit le Seigneur. Ivi Bwana anasema. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Mwanamuke moya ataongozaka mbele ya wakati ya mwisho. Elle sera soit présidente. Atakuyaka au raisi. Soit vice-présidente. Ao wakumfatia raisi. Ça sera l'église catholique en tant que femme. Ao itakuya sawa kanisa katolika sawa mwanamuke. J'ai vu cela. Miriona ile. Une grande femme. Mwanamuke moya mkubwa. La nation s'inclinait devant elle. Taifa iriinama kumbele yake. Il y aura une avant le temps de la fin. Kutakuyaka moya mbele ya wakati ya mwisho. Ainsi dit le Seigneur. Ivi Bwana anasema. Notez cela. Mwandike ile. Et voyez. Na mtazame. Vous les jeunes gens. Mwe babiana. Voyez si cela va arriver. Mwone kama ile itafika. Si ce n'est pas le cas, kama aina vile, je suis Nico, un faux prophète. Nabi wa bongo. Vous les jeunes, mwe babiana, voyez et notez cela. Mwangalie na mwandike ile. Voyez si cela va arriver. Mwone kama ile mambo itafika. Si ce n'est pas le cas, kama haikufike, je suis un faux prophète. Niko nabii wa bongo. Et ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Na hii ni hivi Bwana anasema. Nous pouvons dire avec assurance. Tunaweza kusema na hakikisho yote. Que William Marion Branham. Sema William Marion Branham. Est un vrai prophète. Ni nabii wa kweli. Parce que sa prophétie du nabi yake de 1933 s'est accomplie littéralement inatimilika paka vila disebaka mercredi le 20 janvier siku ya tatu le 20 janvier 2021. Une femme ravissante mwanamke moya murembo habillée en violet mwenye kuvaa mangu ya violet a prêté serment alifanya kiapo comme la vice-présidente sawa raisi wa kumfuatia ule alipita des États-Unis wa America. Que Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Pendant que le monde marche dans les ténèbres, wakati ile ulimwengu unatembea umagiza, nous, la sixième prophétie s'est accomplie. Si kwetu una ono ya saba ya sita inatimilika. La septième ya saba qui concerne l'explosion yenye kuangalia kupomoka des États-Unis kwa États-Unis ya America. Cette prophétie ile unabii s'accomplira après le départ de l'épouse. Itatimilikaka nikisha kunyakuliwa kwa bibi wa harusi. Ce n'est pas pour rien. Haina kwa bule. que je vendrai, que je dis. Mwile siku ya ine. Je me suis un peu attardé sur ça. Nilisibamia mbele paile. En parlant de la guerre d'Armageddon. Mufemea juu ya vita Armageddon. Je vous ai dit. Nilimiambia. Attention avec le roi du nord qui est la Russie. Upate kusopoka na mfalme wa kule ku mwenye kwa Russie. Qui sera la tête? Ula atakuwa kukichwa. Des dix rois qui viendront de l'est. Bale batatokea kule ku est. Et pendant cette guerre, na mwile mvita ile, la Russie Russia, lancera la première bombe, atatumaka bombe ya kwanza, sur les États-Unis, kwa Amerika, la deuxième bombe, bombe ya pili, sur Vatican, Vatican, et la troisième bombe, na ya tatu, sur Israël. Kule ku Israël. Nous ne sommes pas les enfants de ténèbres. Si atuna batoto ya magiza. Et nous disons, merci Seigneur. Na tunasema sante Bwana. Pour ce véritable prophète que tu nous as envoyé. Juu ya unabii wa kweli ulitutumia. Pour nous éclairer. Juu ya kutuangazia. Afin que nous puissions pas marcher dans les ténèbres. Juu tusipate kutembea ndani ya magiza. Nous vous avons dit tuli mionesha, que lorsque l'épouse part, sema wakati bibi harusi anaenda, c'est alors que l'Église catholique, ni mwile wakati kanisa katoliki, le papa en particulier, papa wa Roma mukipeke, aura maintenant le pouvoir, atakuwa sasa na uwezo. Regardez ce qui se passe avec les papes dans le monde. Hier, il était en Irak. Il y a quelques semaines, il était à Dubaï. Il fait son travail, il ne joue pas. Si vous jouez, kama wako nacheza, c'est votre problème. Ile mambo inakuangalia. Même quand nous avons lu cette prophétie, hata wakati tulisoma hiyo unabii, est-ce que votre cœur a tremblé? Eti roho yako ilitetemeka? N'a pas tremblé? Haikutetemeka? Il n'y a que l'épouse, ni paka tu bibi wa harusi, qui est connecté à ce que l'esprit dit, mwenye kuunganishwa na kile roho kunasema, qui là dans son cœur, ule mule mroho yake, il se passe quelque chose pour lui dire, kunafanya kitu kimoja kumwambia, attention le départ, sopoka kwenda, et pour bientôt, kunakuwa kwa hapa sasa. Aujourd'hui, leo, même Macron, Ata Macron annoncer cela, les gens dormaient. Est-ce que la technique peut balancer la partie de Macron? Eti technique inaweza kuleta kusemu ya ule rais Macron. Tu retournes un peu, reculer un peu. Rudia kiloko. Ok, d'accord, tu commences par là, je vais me taire pour que l'église suive. Frère Serge, je vous montre la voie pour que les gens suivent eux-mêmes. Pandisa ok, sauti, juba, je mettais, vous balancez cela. Écoutez ce que Macron dit. Il parle sur la bête. Il fera basculer le monde dans de grandes souffrances et de terribles agonies. Soyons vigilants, car elle est déjà là. Le 14 avril dernier, le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a dit lui-même. Tu retournes cette partie. Grand maçon l'a déclaré. Nous avons... la tu retournes la partie. Et elle arrive. Ce sont ces... là où Macron dit. Moule Macron. Cette séquence-là que vous voyez Macron dit. Il est face à Macron. Il dit. Et qu'on a sema. Que la bête est là. Sema nyama et quoi. Tu retournes un peu. Juste sur Macron. Nous avons seulement besoin de cette... On l'a déclaré. La bête est là et elle arrive. Ce sont ses propos. Vous avez suivi cela? Notre génération doit savoir que... Recommencez avec les sons. En Zulu, là, qu'on a, il est saouti. Goni. Le 14 avril dernier, le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a dit lui-même. Un franc-maçon l'a déclaré. La bête est là et elle arrive. Ce sont ses propos. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mais la bête est là. De Jésus-Christ. Elle arrive. C'est un politicien. Lui ne comprend pas qu'il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Et la France est l'un des pays qui forme la base de l'Union européenne. Na France ni moja inchi yenye kuya na misingi ya muungano ya Europa. Des gens qui dirigent l'Europe. Bantu benye kuongoza Europe, Ulaya. Mais si un politicien rempli de démons lui-même comprend que la bête est là. Sasa kama mfanya siasa mwenye kujaa na mademona anaelewa kusema nyama iko pale. Mais vous tous ces temps ici on a pris à peu près 8 mois pour vous parler de ces choses. Lakini mwe tulibeba ko miezi munane juu ya kumisungumzia juu ya bintu. Et ce sont des instruments de ça, ce sont des instruments. Boni biombo. Que Satan utilise pour accomplir les prophéties de Dieu. Bile shetani kwa natumikia juu ya kutimiza unabii ya Mungu. Alors, ça. Il dit la bête est là. Anasema nyama eko ako. Elle arrive. Na eko nakuya. Et la Bible te dit. Na Biblia nakuonesha. Que quand l'épouse part, sema wakati bibi harusi ataenda, l'antiquité sera manifesté. Mupinga Kristo ataonekana. Parce que maintenant, il n'est pas apparu à cause du Saint-Esprit qui travaille dans l'épouse. Jule wa shonekane juu ya Roho Mtakatifu yenye kuikala ndani ya bibi wa harusi. Et tu entends ça. Na unasikia bile. Tu vois ça. Unaona bile. Mais ça ne te dit rien. Lakini abikwambie kintu. Il y a quelque chose d'anormal. Kuko kitu kimoya kiashipo kuendeka. L'objectif du message du temps de la fin. Kifukuzio kia mujumbe ya wakati ya mwisho. Et de préparer ni ya kutayarisha l'épouse de Jésus-Christ à l'enlèvement. Bibi wa harusi wa Yesu Kristo mkwenda mkunyakuliwa. Et dans la préparation de l'épouse, na katika matayarisho ya bibi wa harusi, le message se résume, mujumbe inasemewa mufupi, en ces mots, mimi semo, sortez, mutokeni, du milieu d'elle, mon peuple, katikati yao taifa yangu. Aujourd'hui, leo. L'église du Seigneur, Kanisa ya Bwana, qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, yenye kuchunga kurudia kwa Yesu Kristo, doit sortir, inapasha kutoka, de tous les faux enseignements, ndani ya mafundisho yote ya bongo. La prophétie avait déjà annoncé, unabii ilikwisha kutangaza, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Kusema yangu taifa itakuyaka kamwe katikati ya mvuruko. L'épouse, bibi wa harusi, ne sera plus jamais asiwezi kuya dans la confusion. Katika mvuruko. Dieu l'a dit, il a juré. Mungu alisema na ilapa. Cacherai-je Abraham? Eti nitaweza mufitika Ibrahimu. Ce que moi je veux faire à Sodome. Kile mimi natafuta kufanya ku Sodome. Abraham, Abraham deviendra certainement atakuya une grande nation. Taifa mkubwa. Si vous ne voyez pas l'accomplissement des prophéties, vous ne verrez rien. Vous n'êtes pas connecté à ce que l'Esprit fait. Si pendant cette période, ton cœur n'est ni attaché à la parole, ton cœur n'est pas plongé dans la prière, ton cœur ne cherche pas la sainteté, il y a quelque chose d'anormal en vous. Si pendant ce jour qui court, vous vivez dans une distraction totale, vous accomplissez Daniel chapitre 12. Daniel sura ya 12. Ils liront ces prophéties, la connaissance augmentera, le méchant continuera à faire le mal, babaya batendelea pa kufanya bibaya. Mais ceux qui auront de l'intelligence akili, comprendront et leur vie sera épurée. Na maisha yabo itatakasiwa. Purifiée. Itatakaswaka. Maintenant, observez, c'est très simple. Sasa angalia biko tu vous tekiteke. Menez quelle vie uko naishi maisha dans kani. Votre foyer, tu mènes quelle Mujama vie yako, uko naishi maisha kani. Là, dans votre cœur, vous menez quelle vie? Pendant cet enseignement ici, je vous disais, s'il y a un temps où nous ne devons pas garder le péché en nous, c'est maintenant, ça se trouve sur les bandes. S'il y a un temps où on ne doit pas garder le péché, c'est maintenant. Ni leo, ni hapa sasa. Kuya na mambo na bantu. Kuya na mambo na batumishi ya Mungu. Kuya na mambo na bibi yako. Kuya na mambo na bwana yako. Kuya na mambo na baba yako. Kuya na mambo na mama yako. Kuya na mambo na batoto yako. Kuya na mambo mukanisa au inje. Mui periode apana. C'est dans une période où la sainteté, la purification doit être de rigueur. Daniel est clair. Daniel est kowazi. Daniel 12. Daniel 12. Verset 9. Mustari agenda na 10. Il répondit. Anajib. Va Daniel. Wende Daniel. Car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ibi bintu bitawekewa siri na kuwekewa muhuri kufikia hapa mwaka. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvé. Ba mingi batatakaswa na batapimwa. Es-tu purifié? Eti unatakaswa. Es-tu blanchi? Uko mwenye kusafishwa. Es-tu éprouvé? Uko mwenye kupimwa. Par la parole kupitia neno qui est apporté, yenye kuletwa. Est-ce que l'accomplissement des promesses, eti kutimilika kwa la connaissance de l'accomplissement des promesses, ufahamu ya kutimilika kwa malako, vous purifie, iko na kutakasa. Les méchants feront le mal. Batu babaya batafanyaka paka bibaya. Et aucun des méchants ne comprendra. Na hakuna hata moya wa babaya ataelewaka. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Lakini wale watakuwa na akili wataelewaka. Toi-même là où tu es assis, tu as la réponse. Wewe kile pale unikala huko na jibu. Oui moi avec la parole prophétique. Miezi munane na neno unaona. Atremele avec l'évangile. Yenye kuchanga na injili. Qu'est-ce que cela a apporté dans votre cœur? Ile naleta nini ndani ya roho yako? Même lorsque la prophétie s'est accomplie, toi tu n'as rien vu. Ata wakati unabidi timilika wewe ukoona kitu. Tu ne comprends absolument rien. Awelewe tu continues à vivre. Unaendelea kuishi ndani ya dhambi. Jean a dit ouvertement. Yohana alisema waziwazi. Les gens qui ont de telles promesses. Watu wenye kuwa na malako yeye namna. Ils se purifient. Beko na jitakasa. Nous nous purifions par la voie de la parole et du Saint-Esprit. Tuko na jitakasa kupitia njia ya injili na njia ya Roho Mtakatifu. Nous mettons notre foi sur l'œuvre du calvaire. Tunaweka imani yetu. Parce que le sang est encore là. Juu damu ikingarike iko. Et toi tu dors encore, tu ne vois rien. Na wewe ukingana na lala uone kitu. Tu dis non. Nasema pana. Nous sommes membres du Cambo Tabernacle. Niko memba. Beau bâtiment, nous avons construit. Tuko na bâtiment mzuri tulijenga. Ni mzuri. Dieu ne viendra pas nous demander. Mungu atakuja kutuuliza. L'argent que nous avons dépensé pour le beau bâtiment. Pesa ile ambayo tulitoa juu ya hii jengo mzuri. Non. Apana. Une seule question. Ulizo tu moya. As-tu le Saint-Esprit? Eh, tu connais Rome Mtakatifu. C'est tout. Connais? Beau bâtiment ou pas. Majengo mzuri au hamuna nao bila Rome Mtakatifu. Sans Saint-Esprit. Bila Rome Mtakatifu. Vous êtes un candidat à l'enfer. Uko mtu akwenda kwa enfer. Être pasteur. Kuya pasteur. Ou diacre, au shemasi, prédicateur, mubiri, choriste, wakuimba ukwaya, ou n'importe qui dans l'église, au mutu yote yote mkanisa, bila Roho Mtakatifu, n'a aucune valeur. Abina na bei hata moya. Ce qui compte, kienye kwake kabaila, c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Dieu ne viendra pas te poser la question de savoir combien de vêtements tu as. Mungu atakaye kuuliza mavazi ngapi uko nayo. Ou poser au prédicateur. Au kuuliza mahubiri. Combien de vestes ils avaient? Combien de vestes ils changeaient? Makoti kani banaanza kubadilisha. Sana aucune importance. Bila bina tana bei moya. Ce qui a de l'importance aujourd'hui. Kenye kwa kia bei leo. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ni ubatizo ya Roho Mtakatifu. Dans cette période dans laquelle nous sommes, mwiyo wakati ambao tunapatikana, chacun de nous, kila mmoja wetu, doit sortir anapasa kutoka, de tout ce qui est faux, mubiote wenye kwa bia bongo, tout ce qui est contraire à la Bible, biote wenye kukombanisha Biblia, dans les enseignements, mumafundisho. Dans la vie, ndani ya maisha, dans l'habillement, namna ya kuvala, dans nos pensées, mu mawazo yetu, sortez de ces bêtises là, mutoke mubule bubumbafu bule, sortez de toutes les coutumes, mutoke mu ma, sortez de la politique du monde, mutoke mu siasa ya mudunia. Sortez mutoke de la civilisation, mukizungu, du modernisme, mukizungu. Sortez de la mondanité. Mutoke mkidunia. Sortez du péché. Mutoke muzambi. Sortez de tout ce qui est contraire à la parole. Mutoke mvyote mekumbanisha neno. Hâtez-vous d'entrer en Christ. Jésus-Christ est à la porte. Mwarakishe kuingia ndani ya Kristo, Yesu yuko pa mlango. Amen. C'est vrai frère. Ni bia kweli nduku. Foba na mdisi. Ndoku brana mwe kuna sema hivi. Dans question réponse du 17 décembre 1959. Mauliza na majibu ya le 17 décembre 59. Vous n'êtes pas converti. Amona benye kugeuka. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Wakati yote amuyapata Roho Mtakatifu. Il absolument nécessaire. Iko kabisa kabisa ya mafa. Essentiel. Ya kabaila. Et obligatoire. Na ni mapashwa. Que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. Mupate kupokea Roho Mtakatifu leo. Sinon, kama ina vile, vous ne pourrez participer à la résurrection. Amuweze kushiriki mu kufufuka. Vous n'êtes pas converti. Auna mwenye kubadilika au mwenye kugeuka. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Wakati yote wewe bado kupata Roho Mtakatifu. Il est absolument nécessaire. Iko kabisa kabisa ya mafa. Essentiel. Tena kitu kya kabaila. Et obligatoire. Na ni mapashwa. C'est incontournable. Hakuna namna ya kuenda pembeni. Que vous receviez. Ile mupate kupokea. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Maintenant. Leo. Sinon, kama ina vile, vous ne pourrez participer amuweze kushiriki à la résurrection. Mu ufufuko. C'est vrai, frère. Ni kweli, nduku. Dans COD. Mu COD. Première partie. Sehemu yake ya kwanza. À la page 82. Mu page 82. Au paragraphe 277. Paragraphe 277. Dieu a promis. Mungu arilaka. Que nous allions partir dans l'enlèvement par élection. Kusema tutenda mkunyakuliwa kupitia uchaguzi. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Les autres morts. Bengine bafu. Ne reverent point à la vie avant 1000 ans. Aba kurudia kubujima mbele ya miaka 1000. Pas vrai? Et tena ya kweli? Pas vrai? Et tena kweli? Parce que seulement, vous voyez. Juu munaona. Vous ne serez pas perdu. Hautapotea. Mais, lakini, l'épouse, bibi wa harusi, remplie du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, qui partira dans l'enlèvement. Ule ataenda mkunyakuliwa. Les autres passeront en jugement. Bengine watapita katika hukumu. Même si vous êtes sauvés aujourd'hui. Ataka mnaokolewa leo. Sans le Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu. Vous n'irez pas dans l'enlèvement. Hautaenda mkunyakuliwa. Vous devez passer en jugement. Utapita ku hukumu. Ceux qui iront dans l'enlèvement, vale watenda mwenyakuliwa, c'est seulement ceux ni paka bale, qui sont scellés venye kuwekwa muhuri, du Saint-Esprit. Da Roho Mtakatifu. Vous les membres de Kambo. Mweba memba mukambo tabernacle. Sans nouvelle naissance. Bila kuzaliwa mara ya pili. Sans Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu. Vous irez en enfer. Mutaenda mwanfer mugena. Vous les membres de l'église de Kambo. Mweba memba ya kanisa ya Kambo. Né de nouveau. Venye kuzaliwa mara ya pili. Mais sans le Saint-Esprit. Lakini bila Roho Mtakatifu. Vous passerez en jugement. Mutapita ku hukumu. C'est vrai. Ni kweli. L'heure est grave. Wakati kwa hatari. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Doit être la chose la plus importante. Inapasha wa kitu kienye kia kabaila sana. Dans la vie de chaque croyant. Mumaisha kila mwaminifu. Aujourd'hui que n'importe quoi. Leo kupita vitu vyote. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Doit être la chose la plus importante. Inapasha ikuwe kitu kia kabaila. Dans la vie de chacun de nous. Mumaisha kila mmoja wetu. Que n'importe qui. Kupita kila mtu. Regardez comment le Seigneur nous a conduits. Tazama namna Bwana alituongoza. Dans cette église. Mwikanisa. Nous avons parlé tulisemea de cet état de l'église. Mubizaji saba ya kanisa. Nous avons parlé tulisemea de toutes les promesses. Ya malako yote. Nous avons parlé tulisemea de la statue de l'homme parfait. Ya picha ya mtu mkamilifu. Que nous avions intitulé le tabernacle du Dieu vivant. Ile tuliweka sawa kichwa tabernacle ya Mungu aliye hai. Et nous avons fini l'année 2020, natulisha mwaka 2020 avec l'enseignement sur les 70 semaines. Na mafundisha majuma makumi saba. Bien que cet enseignement ne nous concerne pas, japokuwa ile mafundisha haituangalie, nous avons essayé d'y associer tulipenda kuongeza des choses qui nous concernent. Vitu vya kutuangalia sisi. Parce que nous avons dit tulisema que le plan des 70 semaines de Daniel pour Israël, Daniel et Israël nous sert des calendriers. Et notre idée chez tu pas te voir calendrier. Israël nous sert des calendriers. Israël ni calendrier quoi. Nous sommes forcés de faire entrer certaines choses pour payer l'église. Juu ya kulamsha kanisa. Mais avez-vous compris? Eti mulielewa? Et je vous dis, na mimi namionyesha ces enseignements et mafundisho était très inspiré. Ilikuwa yenye kusukumwa sana na roho. De toutes les promesses. Ya malako yote. C'était un enseignement très profond. Ilikuwa mafundisho moya upana. Regardez même comment on a fini avec le tabernacle. Angalia hata namna tulimaliza na ile maskani. La pensée de la dernière prédication. Wazo ile ya mahubiri ya mwisho. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Donc les deux pensées. Ile mawazo mbili. Vendredi et dimanche. Siku ya tano na siku ya juma. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Viendra chercher. Atakuya kutafuta. Une église. Kanisa. Sans tache. Yashipokuwa nataka. Irréprochable. Yashipokuwa na kemeo. Irrépréhensible. Yashipokuwa na. Vous souvenez de ça? Est-ce que mwakumbuka ile? Est-ce que vous souvenez de ça? Eti mnakumbuka ile? Dimanche, nous avions clôturé cet enseignement sur le tabernacle du Dieu vivant. Tulimaliza kile mafundisho maskani ya Mungu aliye. Avec un message. Na mujumbe. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Viens chercher. Unakuja kutafuta. La perfection. Bu kamilifu. Pensez que c'était des chants qu'on chantait? Mnawaza kilikuwa ni mimbo tulianza kuimba? Non. Hapana. Mais ce matin, vous n'êtes pas encore en retard. Lakini hivi asubuhi hamuya afika nyuma. Avant que le dernier élu ne soit scellé au corps. Mbele ya mteule wa mwisho apate kuwekwa ndani ya mwili. Je vous ai donné encore un autre signe que nous observons. Namikaburia nyingine alama tuko na tazama. C'est la pression. Ni kusongwa. Du Conseil mondial des églises. Ya muungano ya makanisa. Nous observons cela. Tuko naangalia ile. Quand on va commencer à nous menacer. Wakati wataanza kutusonga. À fermer les églises. Kufunga makanisa. Nous avons dit. Tulisema. Observez le troisième poule pendant cette période-là. Angalisha troisième poule mwili wakati. C'est ce que notre messager nous a enseigné. Njo ile mujumbe wetu atufundisha. Mwendele paka vile na bitoko. Continue. Aona na robe mtakatifu. Mwendele paka vile kulima mashamba. Continue. Bila robe mtakatifu. Mungu anafanya ma commerce. Bila robe mtakatifu. Sans le Saint-Esprit. Mwendele paka kufunda masomo bila robe mtakatifu. Continue à faire les études sans le. Mutabakia. Vous allez rester. Mishi sema sema hapana kutumika, hapana kufunda. Wakoa. Aowe, celui qui veut se marier, se marie. Arime, celui qui veut qu'il se marie, afoigne, qu'il fasse méchant. Mais attention. Mais, faites attention. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu cours un danger. Kama ona Roma takatifu unaenda mwatari. C'est ça la condition pour aller au ciel. Ndio kanuni ya kwenda kumbingu. Vous n'êtes pas converti. Aona mwenye kugeuka. Aussi longtemps que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Wakati yote wewe bado kupata Roho Mtakatifu. Qui que vous soyez choriste. Ukuye yote yote hata mwimbaji. Que vous soyez, qui que vous soyez. Ukuye mtu yote yote, pasteur. Femme du pasteur, enfant du pasteur. Mtoto wa pasteur, semasi, mzee. Toutes ces choses-là n'ont aucune valeur. Lorsque Christ reviendra, il vient chercher des hommes et des femmes scellés du Saint-Esprit. Il est absolument nécessaire, essentiel et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit, sinon vous n'allez pas participer à la résurrection, à l'enlèvement. C'est tout. Vous avez beaucoup de prédications. Quand je vois les prédications audio, ce que j'ai déjà prêché dans cette église, il n'y a plus rien à vous prêcher. Vous avez suffisamment de la nourriture. Mais si vous continuez à négliger, vous tomberez comme la sixième prophétie s'est accomplie, et toi tu ne le savais pas, l'enlèvement aussi se fera, tu ne le sauras pas. Si vous croyez que nous sommes en train de faire des théâtres, c'est votre affaire. Nous sommes dans une période dans laquelle ne vous intéressez plus aux autres. Intéressez-vous de votre âme, un point et un trait. Si tu vois un frère à ce moment ici, il quitte l'église pour aller former son église, laissez-le. Il ne faut même pas l'exhorter. Et je le dis aussi ce matin, kama unatoka leo mukanisa unaacha neno la Mungu, si aujourd'hui tu quittes l'église tu abandonnes la parole de Dieu, mie mishina atana samo ya kupitisha jua kwa kuexhorter, je n'en ai pas une heure à perdre pour aller t'exhorter. Shina na sauti ya kwa kuexhorter, shina na je n'ai pas une parole avec laquelle je viendrai t'exhorter. Kama unatoka mukanisa unaacha neno la Mungu, si tu quittes l'église tu abandonnes la parole de Dieu. Tanda kuna mtia bonjour frère, vous frère congolais cambodgien, bonjour frère congolais ou n'importe qui. Vous n'avez ni exhortation à vous donner. Parce que quand vous abandonnez la parole, vous n'avez pas l'amour de la vérité pour être sauvé. Alors tu as déjà reçu la puissance d'égarement. Allez croire à vos mensonges. Kama unaacha sauti ya Mungu, tu abandonnes la parole de Dieu, na unatoka mukanisa, et que tu quittes l'église, shina ata na une minute ya kuya kukuexhorter, shina nayo, je n'ai même pas une na wakati shina nayo minute ya kuchoka sana. Je n'ai même pas regardez, j'ai fait 8 mois, plus ou moins 8 mois, j'ai perdu plus ou moins 10 kilos. Mina potesha kadiri ya makilo 10. J'ai perdu ces 10 kilos ici pour vous expliquer. Ma kilo kumi tu as kumifundisha. Mais comment on a fait un kibengo, on a déjà sauté à Mungu. Si tu t'enorgueillis, tu laisses la parole de Dieu. C'est pourquoi même quand vous me dites que frère Fulana a déjà sauté à Mungu, je vous dis seulement. Si vous me dites que tel frère a abandonné la parole de Dieu, je te dis non, c'est bien. On n'a plus le temps. A tout l'endroit dans la carte. La Bible a déjà annoncé Bible, que les méchants ne resteront pas dans l'assemblée des saints avant que Jésus-Christ revienne. Nous sommes dans une période d'union. Nous nous unissons. L'épouse s'unit à la parole. Les démons s'unissent à la politique. Ma démona inajunga ku siasa. Les démons s'unissent aux coutumes. Ma démona inajunga ku les démons s'unissent au péché. Inajunga ku zambi. On n'a plus le temps. Atona tena wakati. Nous avons le temps d'exhorter ceux qui tiennent. On dit persévérez frère. Persévérez mon ma soeur. Parce que le temps est là. Juu wakati iko inakaribia. Avec tout ce que nous voyons, ce n'est pas le temps d'être distrait, de jouer dans le péché. Non frère. Plus tard, quand on a fait des ordres, si tu fais des désordres, on suit la procédure, on vous fout dehors. Nous voulons rester avec un nombre restreint, mais qu'on attende le retour de Jésus-Christ. Mambo ya Mungu, si tu abandonnes la parole de Dieu, on n'aura plus le temps à perdre pour venir t'exhorter. Après avoir marché avec la parole de Dieu, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous abandonnez la parole, on va t'exhorter quoi? Vous oubliez que la Bible dit, ceux qui ont goûté au don céleste, onja kuzawadi ya kimbingu. Ceux qui ont goûté au don céleste. Bale bari onja kuzawadi ya kumbingu. Lorsqu'ils abandonnent la foi, banaacha imani, ils foulent au pied le sang de Christ. Banafunyanga kumikulu damu ya Christ. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Akuna tena kya kufanya kwabo. Ils ne peuvent plus être ramenés à la repentance. Abaweze kamwe kurudia tena mkutubu. C'est tout. Kunaisha. L'église est avec moi. Eti kanisa kuna nifata. Nous veillons maintenant sur notre propre vie. Ata burafiki. Même l'amitié. Angaria rafiki kani wa kutembea naye hapa sasa. Il faut regarder quel genre d'ami avec qui il faut marcher maintenant. Si tu veux nouer d'amitié avec n'importe qui, na kuangalia. La fin de toutes choses. Mwisho ya bintu byote. Est proche. Ina karibia. Soyez sage. Mukuye ba ekima. Et sobre. Na bakiasi. Pour vaquer. Jumpato kimbilia. À la prière. Kumaombi. Que le Seigneur. Bwana. Bénisse pour ce matin. Amibariki juu asubuhi ya leo. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Ami chrétien. Amis croyants, veillons en tout ce que la chorale peut nous conduire. Down. Nzambe mungu shibote.